foi, dit-elle, c'est bien gentil. Oui, c'est gentil, reprit la vieille fille, mais j'aime mieux un cachemire orange. Eh bien, ma petite, mon amoureux passe son temps à travailler dans ce goût-là. Depuis son arrivée à Paris, il fait 3 ou 4 petites bêtises de ce genre, et voilà le fruit de 4 ans d'études et de travaux. Il s'est mis apprenti chez les fondeurs, les mouleurs, les bijoutiers. Bah, des 1000 et des 100 y ont passé. Monsieur me dit qu'en quelques mois maintenant, il deviendra célèbre et riche. Mais tu le vois donc ? Tiens, crois-tu que ce soit une fable ? Je t'ai dit la vérité en riant. Et il t'aime ? Demanda vivement Hortense. Il m'adore, répondit la cousine en prenant un air sérieux. Vois-tu, ma petite, il n'a connu que des femmes pâles, fadasses, comme elles sont toutes dans le Nord. Une fille brune, svelte, jeune comme moi, ça lui a réchauffé le cœur. Mais motus, tu me l'as promis. Il en sera de celui-là comme des 5 autres, dit d'un air railleur la jeune fille en regardant le cachet. 6, mademoiselle. J'en ai laissé un en Lorraine, qui, pour moi, décrocherait la lune, encore aujourd'hui. Celui-là fait mieux, répondit Hortense. Il t'apporte le soleil. Où cela peut-il se monnayer ? Demanda la cousine bête. Il faut beaucoup de terre pour profiter du soleil. Ces plaisanteries, dites coup sur coup et suivies de folies qu'on peut deviner, engendraient ces rires qui avaient redoublé les angoisses de la baronne en lui faisant comparer l'avenir de sa fille au présent où elle la voyait s'abandonnant à toute la gaieté de son âge.